Chapitre 29. Le pavillon d'en face. Pendant que Dassas, dans le pavillon de gauche, soupait, s'étonnait, dormait et rêvait, une scène d'un tout autre genre se passait dans le pavillon de droite, qui semblait si désert. La disposition de ce pavillon était identiquement la même que dans celui qu'occupait Dassas. Une entrée, trois pièces. Seulement, ces trois pièces, et surtout la chambre à coucher, avaient une apparence plus féminine, avec plus de bibelots d'art, des meubles plus délicats, des tapis plus épais, des rideaux de soie plus lourds et plus gracieux à la fois. Et, en effet, ce pavillon était habité par une femme. Et cette femme, c'était Juliette Bécu, celle-là même que Du Barry avait audacieusement présentée au bal de l'Hôtel de Ville comme la comtesse Du Barry. Dans le petit salon, deux personnages étaient assis et se livraient à un entretien qui devait être des plus intéressants, à en juger par l'animation de leurs traits. C'était le comte très authentique et la fausse comtesse. Juliette Bécu semblait inquiète. Du Barry cherchait à calmer ses inquiétudes. « Mais enfin, reprenait la fille galante, continuant une conversation commencée, que veut-il ? Si le roi est amoureux de cette petite mijaurée, que puis-je y faire ?»« Écoutez, ma chère, répondit Du Barry, je vais vous exposer le plan de celui qui est en ce moment notre maître à tous deux et auquel nous devons obéir. Ce plan est simple et génial. Madame d'Étiol se trouve dans une maison. Tenez, supposez que ce soit le pavillon qui se trouve en face et que vous avez vu en entrant. Il est inhabité ? C'est vrai, mais supposez un instant qu'il soit habité et qu'il le soit précisément par Madame d'Étiol. Vous comprenez ? Vous ici, Madame d'Étiol en face ? Je continue mes suppositions. Par suite de combinaisons qui vous seront expliquées, un beau soir, Madame d'Étiol vient prendre votre place. Ici ? Fit Juliette. Oui, ici. Or, en même temps, vous prenez la sienne. En d'autres termes, vous vous trouvez habiter tout à coup la maison qu'habite Madame d'Étiol. Et Madame d'Étiol se trouve habiter la vôtre. Est-ce clair ? J'entends, mais après ? Vous ne comprenez pas ? Que voulez-vous, mon cher ? Depuis quelque temps, je vis dans le pays des énigmes. C'est pourtant simple. Et génial ! Vous l'avez dit ? Eh bien, supposons qu'un soir, par une nuit sombre, le roi de France, qui aura enfin reçu un mot de Madame d'Étiol l'appelant près d'elle, supposons, dis-je, que Louis se mette en route pour se rendre chez Madame d'Étiol. Il arrive, il entre, il trouve les lumières éteintes parce que la pudeur de la pauvre enfant se révolte, et il tombe dans les bras d'une femme qui se trouve être... Juliette Bécu, comtesse Du Barry, admirable. N'est-ce pas ? Alors, dame, si le roi s'aperçoit de la substitution, c'est à vous de ne pas la lui faire regretter. Je m'en charge, s'écria résolument la fille galante. Mais que devient pendant ce temps la petite d'Étiol ? Je vous l'ai dit, elle a pris ici votre place. Et alors, il se trouve que le pavillon d'en face est soudain habité par un galant qui adore cette charmante enfant, qui entre ici, qui aperçoit son idole, tombe à ses pieds pendant que le roi tombe au vôtre, et lui prouve que la jeunesse et l'amour valent bien la royauté, tandis que vous prouvez à Louis qu'en amour, erreur peut faire compte. « Mon cher, fit Juliette, ce n'est pas génial, c'est sublime !» Plus que vous ne pensez, car voyez, si tout a été prévu, combiné, arrangé, supposez que ce galant dont je vous ai parlé, celui qui tombe aux pieds de la petite mijaurée, oui, eh bien, supposez que ce galant ait gravement insulté un honnête homme, comme moi par exemple. Le galant entre ici, fait un rêve somptueux, s'enivre d'amour pendant 8, 10, 15 jours. Moi, je suppose que c'est moi l'honnête homme insulté. Moi, pendant ce temps, J'attends avec cette impatience que vous me connaissez. Et quand mon galant sort enfin, je lui mets la main à l'épaule et je lui dis « À nous deux, Dassas !»« Ah, il s'appelle Dassas ?»« Oui !» fit Du Barry en éclatant de rire. Un rire sinistre et funèbre qui glaça Juliette. Le digne galant veut tirer son épée pour me faire honneur. Mais, comme par hasard, il tombe sur la pointe de mon poignard, se blesse au sein et meurt. Alors, voici le plus beau. Voyons, fit Juliette en frissonnant. Du Barry, le visage décomposé par la haine, continua. Alors, des gens de bonne volonté, ils s'en trouvent toujours, courent chercher la maréchaussée. On accourt. On trouve le cadavre à la porte de la Détiole, qui se trouve justement avoir insulté aussi l'honnête homme dont je vous parlais. C'est-à-dire vous? Moi ou un autre, peu importe. La petite Détiole est désignée comme la meurtrière. On l'arrête. On lui fait son procès. 20 jeunes gens viennent témoigner qu'elle les a attirés ici pour des parties de débauche et qu'elle a ensuite tenté de les poignarder, comme on dit que faisait jadis Marguerite de Bourgogne pour ses amants d'une nuit. Ces dignes jeunes gens n'ont pas voulu dénoncer une femme. Mais puisqu'elle est prise, puisqu'elle a tué un pauvre gentilhomme, ils n'hésitent plus. La Détiole est condamnée, exécutée, et vous demeurez seule maîtresse de la situation. Est-ce beau ? Horrible, horrible ! Murmura en elle-même Juliette Bécu, qui, à haute voix, ajouta. C'est charmant ! Et c'est vous qui avez combiné tout ce superbe plan ? En partie, répondit Du Barry d'une voix sombre. Dans la partie qui concerne l'honnête homme insulté, j'ai en effet donné quelques idées. Un lourd silence pesa pendant de longues minutes dans l'élégant salon boudoir. Juliette frissonnait et contemplait avec épouvante son compagnon. Du Barry, pensif, fixait ses yeux durs sur le feu, tandis qu'un sourire livide crispait ses lèvres. « Oui, répondit le comte, tout cela se fera. Tout est prévu, combiné. Ni le roi, ni elle, ni lui, lui surtout, ne peuvent nous échapper. Et quand la chose doit-elle se faire ? Cela dépend maintenant de Bernice. Bernice, ce petit poète ? Ce grand homme, fit Du Barry, sans qu'on pût savoir positivement si sa parole exprimait de l'admiration ou du mépris. Et que vient faire en tout ceci, Bernice ? Demanda Juliette. Je ne lui ai parlé que deux fois. Il me fait l'effet d'un écervelé. Je voudrais bien savoir. Fit Du Barry en jetant un regard aigu sur la fille galante. Vous en voulez trop savoir, ma chère. Juliette tressaillit, mais déguisa son émotion sous un geste d'indifférence. Nous jouons ici la tragédie, reprit Du Barry. Bernice a son rôle, j'ai le mien, vous avez le vôtre. Croyez-moi, vous serez une détestable comédienne si vous cherchez à connaître la réplique de vos partenaires au lieu de songer à la vôtre. C'est vrai. Cependant, mon cher, puisque nous sommes associés, je serai bien aise de connaître votre sentiment sur l'homme qui nous mène ou, pour continuer votre comparaison, sur le metteur en scène qui nous indique nos gestes. Monsieur Jacques ? Oui, qui est-il ? Où va-t-il ? Que veut-il ? Comment s'appelle-t-il ? Monsieur Jacques s'appelle Monsieur Jacques, dit Du Barry d'une voix qui fit frissonner Juliette. Qui il est ? Je l'ignore. Ce qu'il veut, je ne le sais pas plus que vous. Je sais seulement qu'il paie royalement, je sais qu'il m'inspire une admiration et une terreur sans bornes, je sais que j'aimerais mieux braver en face le roi au milieu de sa cour plutôt que de me heurter à un pareil homme. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il a ses agents jusque dans les antichambres du Louvre. Rien ne lui échappe. Voilà tout ce que je sais. Et pour une fortune, je ne voudrais pas entreprendre de deviner ce qu'il lui plaît de nous cacher. Si vous êtes intelligente, vous ferez comme moi. Cette fois, Du Barry parlait avec une évidente sincérité. Juliette Bécu, profondément troublée de cette terreur qu'elle voyait chez son redoutable compagnon, n'osa pas insister. « Quoi qu'il en soit, reprit-elle pour détourner les soupçons qu'elle craignait d'avoir éveillés dans l'esprit de Du Barry, Monsieur Jacques se conduit avec moi en vrai grand homme. Cette demeure, cette prison qu'il m'assigne, est une véritable bonbonnière. Tout y est d'un goût charmant. Et que me faut-il de plus à moi, pauvre fille ?»« Pauvre fille, vous ? » ricana Du Barry. « Mais vous êtes comtesse, ma chère, ne l'oubliez jamais. » « Oh, sur la scène, je n'aurai garde de l'oublier. Mais ici, dans la coulisse ?»« Vous avez tort, mon enfant !» fit brusquement une voix. Juliette et Du Barry tressaillirent et, se retournant, aperçurent M. Jacques. Ils pâlirent. Par où était-il entré ? Comment se trouvait-il là, à deux pas, au milieu du salon, souriant et paternel ? Une sorte de superstitieuse épouvante s'empara d'eux. Toutes les portes étaient fermées. Il n'était pas éloigné de croire que le mystérieux personnage était armé d'une surhumaine puissance. « Il sait tout, il voit tout, il entend tout !» se dit Juliette palpitante en répétant les paroles que le comte venait de prononcer. « Vous avez tort !» continuait Monsieur Jacques avec son paisible sourire. « De supposer que vous êtes comtesse Du Barry en certaines circonstances et que vous ne l'êtes pas en d'autres. Toujours et partout, vous êtes la comtesse Du Barry. Et en voici la preuve que je vous apportais et que je vous laisse. » À ces mots, il étala sur un guéridon un parchemin que Juliette et le comte parcoururent ensemble avec la même avidité et le même étonnement. C'était un acte en règle signé par le curé de Saint-Eustache avec signature de témoins à l'appui, qui certifiait véritable et valable le mariage du comte Du Barry et de Juliette Bécu. La date remontait à 3 années en arrière. « À bientôt, mon enfant, » reprit Monsieur Jacques. « Comte, voulez-vous m'accompagner ? J'ai besoin de vos infatigables bons offices. Il faut que je traverse les champs qui entourent Versailles, et figurez-vous que la nuit, seul, j'ai peur. » Du Barry suivit M. Jacques. Il chancelait presque. Juliette, demeurée seule, tint longtemps son regard fixé sur le parchemin. Elle méditait. « Eh bien, soit » murmura-t-elle enfin avec un frisson. « Je suis dans les mains de cet homme. J'irai jusqu'au bout. J'empêcherai Madame d'Étiole de devenir la favorite du roi. Mais... » Elle s'arrêta, haletante, regardant autour d'elle, comme si elle eût craint que sa pensée même ne fût surprise. Puis elle acheva. « Mais je ne veux pas qu'on tue ce pauvre petit chevalier d'Assas, moi !»